Bon, ce soir, on parle des compromis de l'âme. Il faut bien situer la dynamique de l'âme versus celle de l'esprit pour comprendre qu'est-ce que le mot compromis peut référer finalement dans l'expérience humaine. Il faut comprendre que l'esprit est un pilote de l'âme et que l'âme est bâtie d'une programmation qui vient du monde de la mort, qui vient du monde de la mémoire, et qui, conséquemment, se donne un ego et un corps, par conséquent, pour pouvoir exprimer les différents champs d'émotivité, les différents champs d'intellectualité, les différents champs de vitalité qui sont finalement proposés à l'expérience humaine. Donc, il faut bien comprendre que l'esprit, lui, il veille au grain, dans le sens que peu importe ce qui se passe au niveau de l'âme, on ne peut pas dire que l'esprit peut par surprise, parce qu'il est finalement à l'origine des mises en vibration qui se dirigent dans des jeux de polarité négative ou positive. Donc, l'âme en soi, c'est un véhicule pour l'expérience. C'est pas pour développer de l'intelligence, c'est pas pour développer du mal, c'est pas pour développer quoi que ce soit qui apparaît comme une forme de sagesse pour l'être humain. Il est simplement utilisé, l'âme, à travers les jeux de l'ego. L'ego, lui, est absolument, comment je pourrais dire ça, on va dire victime de l'âme et de l'esprit, et donc est simplement un véhicule à l'âme et à l'esprit pour pouvoir opérer dans la matérialité. Donc, il ne faut pas dire une personne a de l'ego. On pourrait dire son ego est pris dans une expérience d'âme qui lui fait faire les choses de telle ou telle façon. C'est moins accusateur parce que l'ego, c'est sûr que quand il est coloré, il a une nature réflexive, ça va de soi, parce qu'il est dans l'expérience d'âme. Mais c'est l'expérience d'âme qui engendre la réflexion, qui engendre, appelez ça l'orgueil, qui engendre tous les défauts, les qualités que vous avez. Donc, ce qui est à comprendre dans cette expérience-là, c'est que l'âme, c'est inévitable parce que c'est une programmation astrale, astrologique. Et dans le jeu de l'âme, il y a à résoudre différents problèmes au cours d'une vie pour certaines personnes qui touchent la polarité, le bien, le mal, le vrai, le faux, le correct, pas correct, et tout ça. Les origines des peurs dans les mécanismes de l'âme, parce qu'on dit souvent, ça sert à quoi de vivre de l'âme? Ça sert à éliminer des peurs. Mais les origines des peurs viennent de la polarité. Tu as peur de perdre quelque chose qui est opposé à ce que tu as. Et puis, plus la personne a peur de perdre, plus elle est polarisée. C'est directement proportionnel. Moins tu as peur, moins tu es polarisé. Puis quand tu n'as pas de polarité pantoute, bien là, on pourrait dire que tu vis une intégration qui est une pulsion de l'esprit. Et cette pulsion de l'esprit, bien, tu as fait passer à peu près tous les tests dans les registres de l'expérience qui était en cours pour que tu puisses dire, bon, bien là, ça, j'ai plus de système de valeur face à ça. Quand, exemple, je vous donne un exemple, quand une personne vit du couple, il a nécessairement peur de l'autre. Il a peur de le perdre. Il a peur de ses comportements. Il a peur de voir quelque chose y échapper. Et puis, il vit une expérience de contrôle ou une expérience d'impuissance dans son rapport. Puis, plus il va avancer dans son échange avec l'autre, plus il va avoir à vivre des colères, il va avoir à vivre des manifestations d'autorité pour se libérer de sa peur de l'autre et éventuellement se détacher de la valeur qu'il donne au couple, ce qui ne l'empêchera pas de vivre en couple, mais il n'aura plus peur de vivre en couple. Il n'aura plus peur que l'autre parte, meure ou disparaisse d'une quelconque façon ou ne soit plus à sa portée. Disons, imagine un homme qui est avec une femme qui vient folle, il perd la cohérence de cette femme-là dans son quotidien, ça doit être heavy metal pas mal, mais ça représente quand même un registre d'expérience dans lequel il y a une peur. Donc, il faut bien comprendre que les games de l'âme sont infinis. Parce qu'en finale, ce que vous avez à digérer, peu importe la nature de l'expérience, ça sera toujours la peur de perdre, ou une peur de perdre l'autre, ou une peur de vous perdre dans l'autre, ou une peur quelconque. Donc, c'est bien intéressant de voir que l'âme peut prendre tous les registres de systèmes de valeurs qui vous sont, on va dire, inculqués à la naissance ou dans votre famille, et que ces mouvements-là, tout au long d'une vie, vont créer des pressions sur votre être, des tensions. D'ailleurs, c'est ça qui est à l'origine des maladies. Et c'est sûr que quand on est malade, on dit « Pourquoi je suis malade? » Bien, t'es malade parce qu'il y a quelque chose dans ton mental qui n'est pas capable de résoudre une problématique expérimentale. Tu as une expérience de vie, puis tu es pas capable de la situer, tu es pas capable d'identifier. Souvent, tu l'as identifié dans certains cas, où les gens l'ont identifié pour toi. Mais tu veux pas l'admettre, t'as peur, tu veux pas faire face à la musique. Et puis ça crée inévitablement une situation de perturbation. Donc, ces mouvements-là de l'âme, qui sont inévitables, comme je vous l'ai dit, dû au fait d'une programmation, ça s'identifie à l'enfance. Alors, regardez les 7 premières années de votre vie. Vous pouvez aller jusqu'à 21, ça vous tente. Mais normalement, les 7 premières années de votre vie, vous avez toutes les marques de votre programmation. Ça va s'amplifier dans les 7 à 14 ans, puis 14 à 21. Puis à 21, là, on peut dire que la personnalité est scellée. C'est figé dans le ciment. Fait que ce que vous allez faire au cours des 21 à 80 quelques années, si vous vivez ça, là, ça va être de digérer, d'intégrer, de rebalancer une polarité que vous avez absorbée dans votre enfance. Bon. Est-ce qu'on peut se libérer vite? La réponse, c'est que quand ça va être fini, vous allez être mort. Vous venez pas sur la planète pour rester sur la planète. Vous venez sur la planète comme un passage sur la planète. Fait que vous passez sur la planète pour régler la polarité. Vous avez une dose X pour chaque personne. Tout le monde n'est pas frémé pareil. Tout le monde n'est pas construit pareil. Tout le monde n'a pas accès aux mêmes outils non plus. Mais peu importe que vous soyez Afghan, Québécois ou Américain, vous allez quand même avoir votre dose. Votre dose étant, dans certains cas, très intense par rapport à un autre. Et puis l'autre va dire, moi, j'ai une belle vie comparée à la tienne, ces choses-là. Mais ça ne se compare pas des vies, parce que la job, ce n'est pas d'avoir une belle ou une mauvaise vie. La job, c'est d'intégrer ta polarisation. Tu as une polarité dans le mental, il faut que tu la règles. Puis quand tu vas l'avoir réglé, il n'y aura plus de sens à la vie. Tu vas être, comme on dit, out of nowhere. Tu vas être placé devant le fait que ta vie doit se terminer. Donc, mourir. Fait que vous êtes en vie, donc vous avez de la polarité encore à régler. Ça m'inclut en passant. C'est pas parce que j'ai le contact que j'ai une vie, j'ai pas une vie d'âme. C'est pas parce que Bernard était fusionné qu'il avait pas une vie d'âme. Il y a eu une vie d'âme avec sa famille, il y a eu une vie d'âme avec ben du monde. Ça. Fait que c'est pas. C'est la vie planétaire qui impose ce phénomène de vie d'âme-là. Et puis, c'est sûr qu'une personne qui doit vivre de la polarité se rend compte que toute sa vie. Fait que c'est sûr que quand tu dis l'esprit qui rentre dans l'expérience de l'âme, il fait quoi? L'esprit s'exprime dans les zones d'intégration puis dans les zones de crise. Fait que l'expérience, il vous empêchera jamais de la vivre. L'esprit, il va toujours vous éclairer comme des spots sur une auto. Ça éclaire, mais ça conduit pas. Ça veut pas conduire. Ça laisse l'expérience se faire. Puis dans l'expérience que vous vivez, c'est évident que vous vivez des périodes, c'est bien le fun. Tu sais, quand tu as peur de perdre, puis tu ne perds pas, t'es-tu heureux, tu penses, t'es là? Hey, tu pensais que tu étais pour manger une claque, ce dîner-là, puis tu ne l'as pas. Fait que c'est sûr que la dimension émotionnelle dans l'expérience, c'est probablement la pire. Mais je dis ça, la pire, j'ai jamais été vraiment malade. Il y a le corps vital aussi. Tu sais, les gens qui sont bien malades, c'est sûr que ça joue dans l'émotionnel aussi. Mais ils sont plus affectés au niveau de la vitalité du corps vital. Puis c'est une expérience que, quand j'ai vu Bernard me souffrir du cancer puis des poumons, j'ai trouvé que c'était rough pas mal. Tu sais, j'ai dit, j'aimerais ça passer à côté de ça. Mais dans l'âme, il y a tous les registres des quatre corps. Corps vital, corps physique, corps émotionnel, corps intellectuel. Tu peux souffrir dans le monde des idées. J'ai un de mes chums de ce temps-là, il vit l'anticipation puis il souffre d'anticipation. sacrement, il ne s'est rien passé dans la forme, tabarnak, puis il souffre. Tu sais, c'est pour dire que tu peux te faire soigner partout. Là. Fait que dans l'âme, tu vas vivre une expérience qui est, comme on dit, proportionnelle à ta force, mais ta force, tu la connais. Après avoir passé l'expérience, quand tu es dedans, tu dis « je ne passerai jamais à travers de ça ». C'est bien trop dur pour moi. Fait que, l'évolution, c'est bien mystérieux. Puis un ego, il n'est pas informé de son futur. Il peut aller voir des cartomanciennes, puis comme moi, j'étais astrologue, mais moi, vous dis honnêtement, là, je défie n'importe quel astrologue sur la planète d'être précis. T'sais, on s'entend que c'est très... Un petit carré Saturne-Pluton ou Uranus-Trigone-Mercure, c'est pas trop clair qu'est-ce que ça fait dans la vie. T'sais. Faut que tu aies beaucoup d'expérience en arrière de la cravate. Faut que tu aies des rapports avec des clients qui sont assez proches de toi pour te donner l'information de qu'est-ce qui s'est passé à la date que tu lui as dit qu'il se passerait quelque chose. C'est beaucoup d'années d'accumulation d'informations pour chaque astrologue. Parce que pour chaque astrologue, la vérité, c'est ce qu'il vit avec son client. Alors, imaginez-vous, là, la tireuse de cartes, la médium, le ci, le ça. Comment ça peut être un Christi de flou, sans compter que les gens ne croient pas à ça. Fait que les gens sont confrontés à jamais savoir le futur. Fait que ils vivent ça au présent. Toute la problématique de l'âme, c'est tout vécu pour le monde au présent. T'sais. Fait que tu es avec du monde, avec une tension, une problématique. T'sais, comme là, le film 2012, l'Apocalypse. Là. Le monde, il a une fascination pour qu'est-ce qui est le futur. Puis là, on nous prédit ça. Il manque bien de la flotte là-dedans. Je pense que si vous voulez passer à travers, la clé, c'est d'apprendre à nager. Mais c'est fou comment on ne connaît pas le futur. Puis, le plus drôle, c'est que quand tu es... Comme moi, je suis sur le contact 24 heures sur 24. Des fois, je lui demande, je dis... C'est quoi mon futur, là? C'est... Ça va bien. C'est le même style de réponse qu'il donnait à Bernard. C'est tout égal. Ça va bien. Ouais, c'est pas détaillé bien, hein? Puis là, quand tu arrives dans l'événement, là, il t'informe, là, tu fais ça de même, tu tournes là, puis tu achètes ça, tu téléphones à un, tu parles à... Je dis, là, comment ça, là, vous parlez? Bien, là, il dit, tu tombes en vibration. Là. Il dit, nous autres, on n'informe pas l'intellect. Il dit, on informe le corps. C'est quand vos cellules vibrent, il dit que là, on passe l'information. Vous n'aurez jamais d'information au niveau de l'intellect. C'est pas ça notre job. Notre job, c'est pas de vous informer au niveau de l'intellect pour nourrir une quelconque logique ou stratégie ou quoi que ce soit. Il dit, il faut que votre corps vibre. Quand votre corps vibre, on vous informe. Mais si vous ne vibrez pas, vous allez juste articuler des mots, des idées, des concepts, puis ça va être très, très abstrait, puis ça ne sera pas applicable. Ah, intéressant. Fait que l'avenir est caché à l'âme. L'esprit connaît l'avenir. Vous avez un avenir qui est déjà marqué. On l'a entendu, mais on ne le sait pas vraiment. On le sait parce qu'à un moment donné, on nous informe d'une dynamique conséquentielle, ce qu'on appelle les lois de choc en retour. Tu sais que, bon, si tu poses tel acte, ça enclenche telle affaire. Les forces sont très généreuses pour t'informer de la mécanique de la vie. Fait qu'à un moment donné, tu finis par être capable de déduire que si tu fais telle affaire, ça va donner telle affaire, puis tout ça. Fait que, ça devient intéressant de voir que l'âme, à un moment donné, souffre de ses valeurs. Puis que les valeurs que tu donnes sont basées sur la peur. Tu as peur de quelque chose, tu donnes la valeur à quelque chose. Parce que la peur que tu as, c'est basé sur l'inutilité. Tu utilises quelque chose que tu ne veux pas perdre. Quand tu es dans un rapport d'âme à âme, c'est toujours des jeux d'évaluation. Tu es toujours dans un rapport avec des gens qui vont essayer d'évaluer ce que tu dis, qui vont évaluer l'autorité de ta personne, qui vont évaluer eux autres comment ils se situent par rapport à ton autorité pour savoir si eux autres ont de l'autorité. Puis ça devient toujours un rapport de jeu de dominant à dominé. Tu ne peux pas échapper à ça, c'est animal de l'âme. Fait que tu vois bien que l'expérience est construite autour d'un système de valeurs religieux, politique, économique, affectif, prestige. La recherche du pouvoir dans l'âme est insatiable. Est insatiable à un point qu'elle veut avoir ascendance sur les autres. Puis il y a beaucoup de vos expériences qui sont liées au fait que vous êtes en rapport avec les gens. Commencez à penser là, que demain matin, là, vous avez zéro rapport avec personne. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus ci, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Christ, il n'y a plus de problème. Tout d'un coup. C'est plate en maudit, là. Mais il n'y a plus de problème pareil. Les problèmes, ils commencent quand tu commences à relationner. Tu t'établis des relations. Puis là, dans les relations, une personne a de la valeur à tes yeux. Là, tu commences à avoir peur de la perte. Automatique. C'est immanquable. Ah, elle me sert. Est utile. Ça améliore ma vie. Automatiquement, la peur de perdre devant toi. T'as pas peur de te perdre ça, un ennemi? Hein? J'ai jamais vu quelqu'un avoir peur de perdre un voleur dans le coin ou de perdre n'importe quoi qui va y nuire. Pourtant, tu vas avoir peur de quelque chose qui est menaçant. Tu donnes une valeur à quelqu'un qui peut agresser. Tu sais, c'est pas... On n'est pas dans un univers qui est totalement sécuritaire. Donc, conséquemment, on a des peurs, puis on donne de la valeur à certains types d'agressions, à certains types d'actions. Et puis, les agressions, je pense à elles, ce qui est scorpion, puis c'est toujours des underground. C'est des attaques à la réputation. Si tu donnes une valeur, ça. Fait que ça te fait encore une expérience. À chaque valeur que vous collez à quelque chose, vous avez une expérience à vivre. Hey, c'est de l'ouvrage. Puis, tu sais, je vous dis, tu arrives à 60 ans, là, tu commences à vouloir avoir une vie simple parce que tu vas avoir la paix. La paix, c'est quoi? C'est de donner le moins de valeur possible à des affaires. Fait que l'esprit, c'est là pour l'intégration et les zones de crise. C'est quand il y a une zone de crise là, où l'ego, là, il est réellement plus capable de traiter tous les systèmes de valeurs, qui est dans des compromis, là, qu'à un moment donné, il va se mettre en danger. Là, l'esprit, il vous rend intelligent. Il vous flash quelque chose. Il vous envoie la sauce de l'illumination, là, tu sais. Puis là, il dit, hey, réveille. Si tu fais ça, là, les conséquences, lui est capable de régler ça, pas toi. Tu sais. Toi, tu penses que tu as la force que l'autre a quand il a réglé ses problèmes. Tu as vu ça à la TV, puis tu as dit, hey, c'est comme ça que ça marche. Toi, là, ça ne marchera pas demain. Ça va être pas mal plus dur. Tu n'as pas les corps pour pouvoir supporter ça. C'est comme elle, quand je dis, moi, je te réglerai ton problème en 10 minutes. Elle n'a pas les corps que j'ai, moi, pour faire ça. Fait qu'elle, elle est dans son milieu pour le vivre. Et si moi, j'aurais été à le vivre, j'aurais été dans son milieu pour vivre quelque chose d'équivalent. Vous me comprenez? Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un en référence. C'est pas... tu sais, je dis, moi, j'ai éduqué mon gars d'une certaine façon, puis tout le monde n'aura pas été capable de le faire. Fait que tout le monde n'est pas capable de faire ce que les autres vivent. Tu sais, fait qu'il y a des jeunes, des fois, qui ils se pompent les pecs, comme on dit, en se disant, ben, hey, tu vois, moi, j'étais capable de faire ça. Puis l'autre, il se sent diminué parce qu'il ne se sent pas capable de faire ça. Tu n'as pas de sentir diminué, tu n'as pas la même programmation. Quand les gens ont un destin, ils exécutent les choses selon leur destinée. Ça se compare pas aux autres. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, j'ai un petit destin. Tu n'as pas un petit destin. Tu as tes zones de peur à régler. Quand tu dirais qu'il y a une peur, tu es bien, tu es à paix. Quand tu es à paix, là, c'est ça que tout le monde cherche, là. Les gros destins là, d'explorateurs. Ils veulent toutes la même chose. Ils veulent la paix. Quand tu as la paix, là, c'est le même trophée, c'est la même coupe Stanley pour tout le monde. Puis tu es dans la grosse équipe, là, le temple de la renommée. Hein, puis tu as la paix. C'est ça la game. C'est la game, c'est d'avoir la paix. Puis que tu l'ailles par petits bouts pendant 40 ans ou que tu l'ailles en finale pour les prochains 5 minutes avant. Fait que l'esprit est toujours là dans les zones d'intégration, puis ça se révèle beaucoup dans les crises. Fait que les gens qui disent j'ai pas le contact, inquiétez-vous pas, vous avez juste à avoir une grosse crise, puis votre contact va se manifester. Il va vous présenter la petite subtilité qui va faire que votre ego ou votre logique égoïque, votre logique d'âme va être bypassée pour arriver à faire un point, pardon, il appelle ça des points de lumière. Vous avez un point de lumière dans votre vie. Puis on s'entend que être capable de se dégager des compromis de l'âme, puis se dégager évidemment de la polarité, c'est premièrement de l'identifier. Moi, j'ai dit je ne sais pas combien de milliers de fois aux gens, l'essence même de mon travail, c'est de vous apprendre à lire. C'est pas de vous accompagner dans votre expérience. j'ai pas la compétence de suivre l'expérience de tout le monde, moi, là. T'sais, j'ai pas une naissance qui me permet d'accompagner tous les champs de créativité ou de souffrance que les gens ont à vivre. T'sais, fait que chaque personne vit son bouillon, puis ça se compare pas. Fait que quand vous êtes dans les compromis de l'âme, vous êtes souvent, à cause de la comparaison, à essayer de vivre l'expérience d'un autre, plutôt que vous occuper de la vôtre. Hey! Réveille! C'est pas la tienne. Si tu m'aimes, tu vas venir avec moi. Si, j'ai-tu entendu ça là? Si tu m'aimes, tu vas venir avec moi. Rien à faire, ça se passe à peau. Fait que si tu m'aimes, c'est le terrain du compromis, là. Si tu m'aimes. Ou tu me comprends pas. Ben, là, je te comprends pas. Peut-être que j'ai pas à vivre ce que tu comprends. Si je te comprends pas, il y a peut-être une raison. Peut-être que ça, tu as à vivre ça tout seul. Ouais. Fait que tu peux observer. Je peux dire qu'en consultation, je comprends tout le monde, mais je pourrais pas vivre avec tout le monde. Donc, en soi, je comprends pas tout le monde. Comprendre quelqu'un, c'est vraiment établir une symbiose avec. Fait que, tu sais, les gens vont dire, ouais, mais on dirait que t'écoutes. Ouais, j'écoute parce que je veux voir comment tu vibres. J'ai besoin de savoir comment tu vibres. Moi, j'étais un gars qui vibre la vie. Je n'essaie pas d'analyser la vie. J'ai passé ma vie à analyser ça à travers l'astrologie, puis ça ne menait à rien. Fait que je dis, là, je veux voir comment les gens vivent. Puis les gens, ils ne vivent pas à travers des idées, ils vivent à travers ce qu'ils vibrent. Comment tu veux comprendre quelqu'un, Chris, que si tu l'analyses? C'est comme les psys, là. Tu comprends rien de la vie d'une personne. Faut que tu le vibres. Quand tu le vibres, là, tu comprends quelque chose. Fait que moi, je me force à essayer de vibrer ce que les gens vivent. Mais j'ai pas la structure cellulaire pour tout capter. Je capte des fois des émanations, un peu comme quelqu'un qui se met un parfum que je suis pas habitué de sniffer, là. Et puis, je capte des émanations. Mais quand je comprends une certaine logique. Mais tu comprends quelqu'un quand tu le vibres. Tu sais, quand les gens baissent ensemble, c'est rare qu'ils parlent, hein? Ils parlent avant, après, mais au moment que ça se passe, là, tu sais, quand t'es dans le ha-ha, c'est le ha-ha qui rit, hein? Puis toute la game, le ha-ha. Fait que c'est plus une affaire de vibration. Fait que c'est sûr qu'une personne qui passe la vie dans sa vie dans l'intellect, à essayer d'analyser, comprendre, comparer, évaluer, il souffre énormément au niveau de la polarité parce que ça ne descend pas dans la forme, ça ne descend pas dans son vécu. Parce qu'il a peur de vivre. Il est dans le monde des idées. Fait que c'est ce qui m'amène à dire que l'esprit ne vous est pas bien ben utile pendant la période expérimentale. Est utile quand vous êtes dans une situation de débordement, tandis que quand l'expérience réellement vous dépasse et que là, il doit avoir une manifestation réellement surhumaine. Et le côté surhumain qui vous habite, c'est-à-dire votre double, qui est vous autres sur un autre plan, qui est une espèce de GPS ambulant pour surveiller la température de la soupe pour être bien servi. Elle a ce double-là. Il s'occupe de s'appointer quand c'est nécessaire. Là, vous allez me dire, ben moi, je trouve que ça, c'est nécessaire tous les jours. Pour que le contact soit là en permanence, il faut que vous ayez une capacité d'obéir qui est au-delà de ce que l'ego est capable de vivre. Ne demandez-vous pas pourquoi ça ne passe pas à la source. C'est que vous voulez avoir le contrôle, égoïquement parlant, parce que vous pensez que vous pouvez contrôler votre vie. Il s'agit d'avoir un drame pour comprendre que vous ne contrôlez pas votre vie. Mais des drames, vous n'avez pas tous les jours. Vous n'avez aux deux semaines, une fois par année. Les plus chanceux, ils n'ont une fois par 10 ans. Quand je dis chanceux, c'est bien relatif. On forge l'acier à la chauffer, hein? Okay. Un bon katana, là, c'est plier 10 fois le métal avant de faire une belle lame. Fait que c'est trempé pas mal. Puis il ne faut pas que ça casse quand tu le mets dans l'eau, parce que ça peut éclater. Donc, c'est sûr que quand vous êtes placé dans des situations de test et que c'est le mal qui vous rentre dans le corps, c'est là que le contact sert. Fait que imaginez-vous que si vous avez le contact, vous allez être testé doublement. Fait que je comprends que le contact, parce que c'est lui qui choisit son canal, dans le sens qu'il choisit de se manifester d'une façon permanente, on va dire ça de même. il choisit des candidats qui ont la coin dure, parce qu'ils sont testés plus que la moyenne. C'est un gros pouvoir, le contact. C'est un gros pouvoir parce que ça vous permet d'avoir la paix plus vite, mais il y a un gros prix à payer pour avoir la paix. C'est de passer les tests. Fait que quand ils vous placent devant un test, il ne faut pas te chialer trop, parce que là, une manie, il coupe. Puis s'il coupe, il coupe, il peut couper longtemps. Il peut couper pour vous laisser juste dans l'expérience de l'âme, pas de conscience du futur, pas de compréhension de la mécanique. C'est ça la conséquence de ne pas avoir de contact. Vous ne comprenez pas votre vie. Vous êtes obligé de vous la faire expliquer par les événements, ou la faire expliquer par d'autres personnes, ou vous la faire expliquer par intuition. Tu sais, dans le sens d'avoir un flash. Ah, je pense que j'ai vécu ça à cause d'eux. Mais tu sais, il va toujours rester le doute, parce que ce n'est pas le contact clair, ce n'est pas le contact direct. Quand c'est le contact direct, vous tombez dans l'absolu. Quand vous êtes dans l'âme, vous êtes dans le relatif. La marque de l'âme, c'est la relativité. Vous êtes dans de la relativité. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous faire douter. Il y a toujours quelqu'un qui peut dire « Écoute, c'est pas ça. » Okay. Mais en déduisant, tu dis « Je peux revenir dans mon corps si je m'appris. » Mais tu as conscience de ne pas être dans ton corps. On ne dit pas comme ça. Mais donc, t'es douté. C'est-il l'esprit qui se promène dans différentes consciences? Ah ben, moi, je sais qu'en rêve, je suis là. Je suis là, pas à 100% tout le temps, mais assez là, pour savoir que je suis là. La conscience d'être, es-tu là où tu as conscience d'être? Puis c'est qui a conscience d'être ou qui est? Tu es en train d'installer les bases de la téléportation. Mais je peux en ajouter un petit peu à tes théories qui sont très bien. OK? Ouais. Et un jour, tu vas te fermer les yeux, puis là où tu penses être, ton corps va se déplacer là. Parce que quand vous voyez qu'il est là, c'est la preuve que c'est ça, autrement dit. Tu te dis que tu es en train d'établir les bases de la téléportation. Parce que tu n'es pas de bouillir. Non, non, non, non, non. Non, mais c'est parce que ça marche. Oui, ça marche. Un jour, c'est pas demain, là. OK? Un jour, un individu va penser. Comme dans le film Jonathan Livingston, là. Il faisait des concours de vitesse, puis il m'a donné un maître goéland qui a dit « Je suis là où ma pensée est. » OK. OK, c'est Richard Bach l'a écrit dans les années 70. OK. Bon, un jour, ça va se passer comme ça. La magie. La magie. La projection, ce que les gens appelaient de la projection de la forme, c'est une capacité de placer ta conscience cellulaire. C'est bien important le mot cellulaire, de placer ta conscience cellulaire dans la forme que tu veux accéder. C'est ce qui permet à la chose de se manifester. Donc, pour nous autres, c'est de le voir dans les magasins, au stage où on est, puis d'avoir les ressources pour l'acheter. Mais un jour, l'acquisition, là, si on parle un jour, c'est peut-être 500 ans, là. Un jour, tu vas penser manger, puis il va t'apparaître un lunch. Puis plus vite que ça, tu vas... Ah, j'ai faim. Ah, j'ai plus faim. C'est un état de conscience. Tout est basé sur une... Tout est basé sur de la vibration. Les gens qui vont comprendre ça un jour, que tout est basé sur la vibration, tu sais, le monde dit tout le temps, on cherche le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. L'ultime pouvoir, il y en a juste un. C'est tu vibres, t'agis, tu fais apparaître, tu sais. Fait que l'action que tu vas poser à ce moment-là, ça va probablement être par le son. C'est pour ça qu'ils disent que la sexualité va se transférer ici, là. J'ai déjà un petit piton, là. Ah oui, ben oui. Un petit pipi qui pousse. Et puis, ça va être transféré là. Et puis, comme dans le film de Doom, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Doom, c'est comme tu transmets un son, puis ça a un impact. C'est très visionnaire, ce film-là, mais c'est un des pouvoirs que l'être humain va avoir, travailler avec le son. Tu sais, ils disent Dieu, le verbe, il a créé, le verbe s'est fait chair. Dieu créa avec le son. Ils ont parlé souvent de ça. Bon, c'est pour faire comprendre que la vibration, quand elle descend, puis... Si elle ne se décompose pas au niveau de la pensée, elle va devenir juste un son. juste une vibration matérielle. Une vibration matérielle, ben, c'est un son. Moi, je travaille des fichiers de son quand je fais des conférences comme ça. Et puis, c'est des waves, là, tu sais, c'est ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils appellent ça, des waves. Puis tu travailles avec des mouvements de compression sonore. Tu sais que si tu tousses là, ça fait tel type de wave. Puis là, si tu veux l'effacer, tu grandisses ton secteur, puis tu as effacé ça. Mais c'est du son, c'est juste du son, articulé au niveau des mots. Mais enlève la valeur que tu donnes à l'intellect, puis établis un rapport avec ton environnement. Moi, j'ai des chats, fait que je ne peux pas parler avec eux autres, mais je peux être assez en syntonie au niveau de la vibration pour qu'on ait une communication comme si j'étais avec des êtres humains. Moi, un chat, dans son comportement physique, dans son miaule, la façon qu'il me regarde, j'ai tout un langage là-dedans. Là. Puis c'est aussi concret, c'est aussi complet même que si je parlais à quelqu'un, dans bien des cas. C'est sûr qu'on ne parle pas de mathématiques. C'est des besoins basiques, c'est des besoins de chat. Mais c'est quand même assez évolué. Puis ça se passe par vibration. La chatte, elle va monter sur mon lit, puis je sais exactement ce qu'elle veut. Elle va aller pisser. Puis si je me lève pas, elle va pisser dans le lit. Fait que tu finis, tu comprends le langage. Tu sais, il y a toute une structure qu'à un moment donné, tu étudies. Il y a du monde qui disent qu'ils comprennent le langage des animaux, puis les oiseaux, puis les ci, puis les ça. C'est parce qu'ils font une étude du son. Donc, l'animal, il vibre, puis il se transmet par un son. Mais l'être humain vibre, puis il se transmet par un langage. Puis même si tu en vas dans un autre pays, puis tu n'as pas le langage, mettons que tu ne parles pas allemand, juste à la façon que l'autre parle, tu peux quand même capter une certaine intention, une direction. Puis tu ne comprends rien, là. Au niveau de l'intellect, tu ne comprends rien, rien, rien, rien, rien. Mais si tu es sensible à sa vibration, pas au son, juste avec les nuances, tu vas être capable de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Moi, je ne suis pas un voyageur, LLC. Je dois en avoir rencontré des étrangers là, qui ne parlaient pas le français, là, puis l'anglais. Puis. C'est moi vraiment sensible, tu captes, puis tu finis par voir le langage. Donc, ta conscience est là où tu te projettes. Puis le son, ça va être un moyen de projection universel. Mais ultimement, ça va revenir à quelque chose même de silencieux. Moi, le soir, quand je dors, je suis conscient de travailler. Je travaille en dormant, je le sais. Ma conscience se déplace dans des espaces, vers des personnes. Ça règle les affaires. Puis à cette heure, je sais que quand je vibre, les forces m'utilisent beaucoup pour permettre des choses ou empêcher des choses. Le seul point, par contre, je vous mets en garde, vous avez des consciences égoïques. Puis quand vous avez des consciences égoïques, vous pensez que vous avez du pouvoir. Faites attention à ça. Moi, je ne pense pas que j'ai du pouvoir. Je pense que j'ai été utilisé par les forces pour vibrer de l'empêchement. Pas pareil, ça. Là. La voyez-vous la nuance? Ils se sont servis de moi pour vibrer de l'empêchement. Fait que ça voulait pas que ça marche. Mais c'est pas « je ne voulais pas que ça marche ». Ça voulait pas. Si vous tombez dans l'impression que vous avez des pouvoirs, attachez vos trucs parce que ça va fesser sur vous autres, sur l'autre, ou sur les autres, peu importe la nature du pouvoir que vous utilisez, mais la réflexion va vous accélérer ça vers vous autres, puis vous risquez d'être bien malade. Fait que la science de la vibration, là, c'est une science très concrète, qui est très abstraite dans le sens de sa manifestation, mais qui est très concrète dans le sens de son résultat. Ça se comprend, ça, là? Et qui n'appartient pas à l'ego. Oubliez jamais que c'est pas vous autres qui pensent. Puis, tu sais, oubliez pas. Un jour, vous allez le savoir, que c'est pas vous autres qui pensent, puis vous allez savoir que vous êtes un outil des forces. Vas-y, là. C'est comme un militaire qui se ferait croire que c'est elle qui joue. C'est pas elle qui joue, il faut que tu te sentes guitare. Quand ça sort par twist, le gars qui joue... Le gars qui joue, c'est le double. Puis la guitare, c'est l'âme. La musique, c'est ce qui se passe. Okay. Résultat. Vous êtes tous des corps utilisés. Mais vous avez, à cause de vos restrictions, vos peurs, vos angoisses, à cause de l'âme, de l'expérience de l'âme, vous avez une réflexion sur l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes tout le temps en train de vous regarder dans le miroir. T'en connais un joke de deux psychologues qui se rencontrent? Le premier dit à l'autre, il dit « Comment je vais? » Il dit « Très bien, et moi? » Question? Ouais. Il n'y a pas d'intention. C'est pas une lecture. C'est pas une lecture intellectuelle. Faut que tu parles du principe que tu es un événement. Toute personne ici est un événement dans la vie de quelqu'un. Que vous ne soyez pas conscient de la nature de l'événement que vous représentez, ça ne change pas, vous êtes un événement. Vous êtes tous des événements. Puis, ce type d'événement-là que vous êtes, ça sert aux forces à vous faire rencontrer des gens pour qu'ils se définissent. Fait que toi, quand tu rentres dans la vie d'un individu, tu es un événement X qui permet à un individu de se définir, à te côtoyer. Étant donné que c'est de l'ego, avec l'ego, ben, il y a des jeux de comparaison, c'est comme des roches qui se frottent pour s'ajuster. Et puis... quand les gens tombent dans l'impression du pouvoir, c'est parce qu'ils tombent dans la conscience de ce qu'ils sont comme événement. Tu sais, tu deviens un moment donné, tu es assez défini que tu sais ce que tu fais dans la vie des gens. Là. Puis un jour, tu comprends que la portée de ton influence est basée sur comment tu vibres. Je reviens à l'affaire que plus tu es conscient de ta fonction, et le step après, plus tu as une conscience vibratoire, dans le sens que tu es conscient de quand tu vibres, ça a un impact. Puis tu as une observation de l'impact que ça a quand tu vibres. À partir de là, c'est là que ça commence à être dangereux. Parce que là, si tu tombes dans le jeu à partir de là, là ça peut te taper dur sur l'émetteur. D'accord. Fait que les gens qui n'ont pas la maturité de traiter avec une conscience vibratoire, bien, ils peuvent au mieux avoir une bonne définition d'eux-mêmes. Ça se limite à une lecture de ce qu'ils sont. Mais ça ne permet pas d'être un élément actif dans le sens d'être un outil des forces à plein temps. En ce sens-là. Comme on dit, ils ne peuvent pas donner à quelqu'un si la personne n'est pas rendue capable d'être un canal. Ben, quand tu es canal, tu es capable de suivre une commande. Mais si tu es rebelle et que tu es dans l'ego, la réflexion peut être fatale. Ils ne sont pas pour donner un gun à un gars que pour l'essayer, il fait ça. Okay. Ça marche-tu ce gun-là? Là? Chargeur vide, ça va, là? Ça, c'est de la définition. Mais quand tu as 10 balles dedans, là, hey, écoute, bonhomme, là, tu tires vraiment. Bon, sujet de la soirée, les compromis de l'âme. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'âme, c'est un mouvement de polarisation, donc qui, dans toute son existence, va se promener d'une polarité positive à une polarité négative. Conséquemment, sa réalité, sa lecture de la réalité, se fait selon la polarité dans laquelle elle est. Fait qu'évidemment, si l'âme vit dans un état de polarité négative pendant une étape X de sa vie, elle va se bâtir une vérité, une réalité dans cette étape-là. Quand elle va quitter cette polarité-là, parce que l'âme est obligée d'évoluer sur les deux niveaux, c'est-à-dire négatif et positif, donc quand elle va passer de la polarité négative à une polarité positive, elle va avoir évidemment une nouvelle réalité, et donc conséquemment une nouvelle vérité, parce que sa réalité va forger une idéologie, une idée de ce qui doit être fait ou dit ou pensé selon la nature même de sa survie dans la polarité. Fait que quand tu survis dans une polarité négative, ben, tu te bâtis une idéologie pour survivre là-dedans. Puis quand tu es dans une polarité positive, ben, tu te construis une autre forme de vérité à partir de la réalité de ce que tu vis dans la polarité positive. Fait que c'est ça qui fait que il y a des classes sociales, il y a des gens qui sont avec des idées différentes pour une expérience qui est souvent très différente, mais vécue dans le même contexte. Tu sais, tu t'en vas vivre une expérience dans un endroit, dans un climat quelconque ou dans une culture quelconque, et puis tu le vis, un, sur un plan négatif, puis deux, sur le plan positif, puis ça donne deux lectures différentes. Donc, de l'âme, c'est relatif. C'est relatif à la polarité. Et relatif à la polarité, ça veut dire que si vous êtes dans le mal, dans une étape de vie du mal, ben cette polarité-là va vous exprimer une façon de faire, une façon d'être, qui va être absolue dans cette étape-là. Et puis que quand vous allez passer à une autre étape positive, parce que vous pouvez passer, je ne sais pas, 2 semaines, 2 ans, 10 ans dans une polarité, puis après ça, passer à l'autre polarité. Quand vous allez passer à l'autre polarité, ben là, ça va défaire la forme de votre vérité. Parce que vous allez vivre une nouvelle réalité. Et cette réalité-là, à force de tremper dedans, ça va vous développer une autre idéologie. Puis l'idéologie qui va se développer dans la nouvelle polarité, parce que vous allez être dans l'autre versant de la morale, si on peut dire ça, ou de l'expérience, bien, vous allez vivre à ce moment-là une construction d'une vérité dans cette polarité-là qui va vous permettre de dire, bon, ben j'ai fait le tour. Vous allez dire, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement négatif, quelque chose d'extrêmement positif, puis là, il va arriver que dans le mental, la personne qui va dire, moi, j'ai fait le tour, je ferme une boucle. Quand vous dites que vous fermez une boucle, c'est que vous êtes sur le bord d'intégrer. Si vous avez compris l'expérience négative et l'expérience positive, vous n'avez plus besoin de refaire la boucle positif-négatif, positif-négatif. Donc, conséquemment, vous êtes intégré et vous partez dans votre expérience totale à un état d'absolu, qui est une lecture de l'esprit. Fait que tant et aussi longtemps que l'âme a besoin d'expérience, ben, elle vit dans une relativité, elle se bâtit des absolus basés sur une idéologie qui n'est pas des vrais absolus, qui est une relativité forte. Mais quand tu vis 5 ans, 10 ans dans une expérience avec une morale, une façon de voir, une lecture qui est très, pas répétitive, mais qui est très constante pendant un certain nombre d'années, c'est difficile d'imaginer qu'il y a d'autres choses. Il faut que la vie te transporte dans une autre expérience pour que tu vois que ta lecture n'était pas finale, puis que donc elle est devenue relative par le fait d'une autre expérience. Il y a juste l'esprit, lui, qui est capable de voir à 360 degrés. Vous allez avoir une lecture qui vient du double ou du contact, puis il va te situer un peu comme sur un GPS, il va te situer dans le où t'es, et puis dans la réalité que t'as là, il faut que tu fasses ça. Si tu t'en vas dans une autre réalité, il t'indique que tu vas aller changer ta lecture et ta façon de faire. Donc, il est absolu selon l'étape dans laquelle tu vis, et il est capable de te le donner tout de suite. Tandis que dans l'âme, à cause du facteur de réflexion, mais t'es limité juste à ton orbite à cause du jeu. Le jeu, il limite ton territoire. Tandis que l'esprit, lui, il a une vue globale, comme je dis, comme un GPS. Fait qu'imaginez-vous quelqu'un qui marche dans une ville, il voit les rues une après l'autre, puis ça prend du temps à visiter la ville. Tandis que l'esprit, lui, il te fait voir la ville sur la base d'un plan, en disant où tout est placé, puis avec des indications sur comment ça se passe dans chaque milieu, dans chaque quartier de la ville. Tu t'en vas à New York, c'est grand New York, puis tu as plusieurs mentalités à New York, tu n'as pas juste une mentalité. Fait qu'avec la vue de l'esprit, il est capable de te faire voir tous les aspects relatifs, tout ce qui se présente comme étant une relativité, mais il te présente ça absolument. Il te présente absolument que ça, c'est ça là, puis ça, c'est ça là. Tandis que l'autre, qui est dans l'âme, lui, il pense que ce qu'il vit, c'est toute la ville qui vit pareil. Fait qu'il vit avec une idée. Donc, il est pris dans une polarité, donc il a besoin d'expérience pour aller visiter différents aspects, puis recomposer sa lecture, c'est-à-dire sa zone d'absolu, la recomposer selon les milieux dans lesquels il est. On arrive tout à comprendre la même affaire, excepté que là, on passe une bonne partie de notre vie à penser que ça, c'est ça, puis c'est final. Tandis que dans l'esprit, il dit pour ce que tu vis, c'est parfait. Mais il y a d'autres choses à vivre. Il te le dit tout de suite. Fait que tu peux pas penser, quand tu es dans les jeux de l'esprit, tu peux pas penser que tu l'as l'affaire, là, c'est final. Vous me suivez? Donc, l'âme fait des compromis au niveau du jeu de l'intellect, c'est des compromis parce qu'il se dit, tout ce qui n'est pas fait pour moi, si je l'essaye, c'est juste pour l'essayer. Tu sais, quand tu fais un compromis, c'est comme, t'as comme un doute probable, tu sais. Moi, j'arrive, mon propriétaire me dit, il faut changer plancher. Parce que la lecture est à son avantage à ce moment-là, je vais dire, ouais, je vais dans ton sens. Ça ne veut pas dire que oui, je signe en bas de la feuille. Ça veut dire, oui, je vais dans ton sens, parce que là, a priori, c'est toi qui as plus de cartes dans ton jeu. Donc là, je fais un compromis pour donner à l'âme un certain absolu. OK? Mais l'esprit en arrière me dit, tu n'auras pas besoin de faire ça. Mais c'est correct pour l'instant que tu fasses ça. Que tu fasses un compromis, c'est correct pour l'instant. Ça va éteindre le feu, là. Mais tu n'auras pas besoin de faire ça. Lui, absolument, tu n'auras pas besoin de faire ça. Vous me suivez? Fait que là, à un moment donné, les événements changent. Je trouve mon histoire de Canuba, de nourriture qui s'enfare. J'élimine ça. Puis là, non, je ne changerai pas tes planchers, mon grand. On va juste réparer 3-4 planches, c'est tout. Oups, là, monsieur est choqué, parce que là, je viens de briser son absolu, qui est en fait une expérience relative à lui. C'est son premier investissement dans un bâtiment. Puis, il pousse la machine un petit peu trop fort, là. Prend le monde des cons. Fait que lui, dans une polarité, moi, j'ai pas à subir. Fait que si je fais un compromis, c'est simplement pour éteindre le feu, le temps qu'il explore son expérience. Puis quand l'absolu tombe, bien là, c'est l'absolu, c'est monsieur le juge, c'est ci, c'est ça. Bon, fait que l'absolu de l'esprit... C'est une vue GPS, comme je vous l'ai dit, c'est une vue là avec GPS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Global Position System. En français, c'est un système de position globale. Et donc, qui voit un ensemble de choses à partir d'une vue très, très large, très étendue. Nous autres, quand on trade en temps réel, puis qu'on est sur du co-co-co-tem, de temps en temps, il faut s'élargir la map à du 4 heures, puis à du day-to-day. Pour être capable, dans la bourse, de se faire une vue d'ensemble. Parce que la vue détaillée, à un moment donné, ça te fige. Tu tombes dans une impression de certitude qui est faussée. Donc, l'âme a une relativité à cause du jeu de la polarité. Puis la polarité, ça se neutralise par une vision absolue. Il y a deux façons d'accéder à l'absolu, le contact, ou bien une expérience qui a passé par le bien, le mal, le vrai, le faux, et puis qui a joué avec tous les jeux du négatif positif, et puis qui en arrive éventuellement à une intégration. Cette intégration-là ne lui donnera peut-être pas le contact, mais va lui donner une sagesse qui va lui permettre de voir les deux côtés de la médaille. Tu sais, l'expression « voir les deux côtés de la médaille », bon, c'est ça. Bon, quand est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes dans le jeu d'une polarité? Normalement, l'âme... Elle est, on pourrait appeler ça, obéissante quand elle est dans un axe de la polarité, soit positive ou négative, puis que ça fait son affaire. Dans le sens qu'à l'origine du mouvement, vous allez, exemple, aller apprendre quelque chose. Et puis, dans votre apprentissage au niveau de l'âme, vous êtes un petit peu servile, vous êtes très à l'école, vous êtes très étudiant, parce qu'il vous faut développer un talent pour faire face à l'expérience. Donc, même si vous apprenez sur le tas, comme on dit, donc vous lancez dans l'action puis apprendre, il restera quand même que vous êtes en phase d'étude, puis que dans la zone d'étude, il y a beaucoup de doutes. Puis à cause de ce doute-là, bien, il y a un facteur d'obéissance qui reste en ligne de compte. Mais, comme vous allez avoir à changer votre lecture éventuellement, parce que vous allez être obligé de passer à une autre polarité, où est-ce que souvent la période passive d'étudiant vous place à une zone de maîtrise, parce qu'une fois que tu étudies, tu commences à maîtriser quelque chose. Puis cette maîtrise-là que vous commencez à accéder vous amène à développer une délinquance. Donc, la délinquance, c'est comme vouloir être meilleur que le maître. Puis c'est classique chez l'âme de toujours vouloir essayer de challenger celui qui t'a enseigné. Parce que l'âme a besoin de sentir qu'il a une autorité. Et que son autorité vient toujours de son « je ». N'oubliez pas, là, l'âme, c'est « je ». Fait que « je », quand il est faible, il se met à l'étude, il se met en zone d'absorption. Puis quand le « je », il pense qu'il est en force, là, il commence à faire le « boss ». Il fait le « boss » pas avec le « boss », son premier « boss », mais il essaie de faire le « boss » avec ceux qui sont à l'étude, en arrière de lui ou d'elle. Puis à un moment donné, quand il se sent bien à côté dans sa présentation de petit patron, bien là, il va essayer de tenter de déloger le boss. C'est dans sa nature. Là, il devient délinquant. Il peut pas être tout. Donc là, dans cette nature délinquante-là, on voit de l'âme. Parce que de l'esprit, quand c'est global et absolu, on sait tout de suite que c'est en dehors du jeu. Parce que l'esprit, ça ne s'adresse pas au jeu avec « ça tente-tu ». Ça s'adresse « tu vas faire ça ». Puis, il ne te le dit pas d'une façon dictatoriale. Il te le dit une petite fois, puis si tu ne le fais pas, il te laisse aller dans l'expérience parce qu'il faut que tu te fasses limer dans sa asphalte. OK? Donc, dans sa délinquance, l'être qui vit de l'âme, vit des petites pensées sournoises avant de s'exprimer ses petites pensées de façon plus absolue. Puis dans ses petites pensées sournoises, bien, il se concocte des plans. Il se définit des stratégies. Alors que l'esprit qui est absolu, il te dit, dans l'instantané, tu vas faire ça. Il n'y a pas de stratégie dans l'esprit, c'est « tu vas faire ça ». Toi, l'ego, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu sais qu'il te dit « tu vas faire ça ». Puis au début, la délinquance de l'ego, c'est « mais non, j'ai pas le goût de faire ça ».